Les studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, voici les palmarès fou édition Franco. Bonjour et bienvenue à l'édition francophone des Palmarès C'est fou pour la semaine du 6 au 12 janvier 2010. Je m'appelle Mathieu Plante. Dans la dernière édition, l'édition anglophone, on a su que notre numéro 1 était Dead Man's Bones avec My Body's a Zombie for You. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est le numéro 1 cette semaine du côté francophone. La dernière fois qu'on s'est vu ou entendu, ben, c'était le nombre avec D.B. Cooper de ce côté-là. Côté nouvelles entrées, ben on en a deux. On va commencer par ça. Tout à l'heure, il va y avoir du orange-orange avec Et je pleure. On commence avec Éléphantine. Voici Debout dans la file au 89 FM. C'est fou dans vos oreilles. Contre le nez, Puis je pense aux enfants du tiers-monde qui vont naître contre leur gré. J'imagine une fleur sur la tombe d'un soldat qu'on a égaré sous les cadavres et les décombres de tout mon cœur. Et je pleure toute la journée, et je pleure pour me soulager, et je pleure pour l'humanité, et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure. I'm in need of some deep attention. Calcule mes livres en trop. Je danse tous les vendredis soirs. Je fais l'amour en stéréo. Je m'achète une télévision. Je me couche pour un téléthon. Je compose de tristes chansons de tout mon cœur. Et je pleure toute la journée. Et je pleure pour me soulager. Beatboxing, hein? C'est vraiment rare qu'on entend ça, une pièce avec du beatboxing en arrière. Je sais pas si c'est ça, mais ça fait vraiment... Je suis pas capable de faire du beatboxing, ça paraît. Hein? On vient d'entendre Orange Orange avec une excellente pièce et je pleure. Ça, c'est une pièce que j'aime depuis tellement longtemps. Et là, elle se retrouve dans le palmarès, donc je suis super content. Avant ça, on a entendu Elephantine avec Debout dans la file. C'est leur énième pièce de leur album Le Bonheur en 3D. Très productif, Elephantine, hein? Ça arrête plus. Hit après hit, un peu comme Mimi Van Der Glo. C'est deux groupes qui sont très productifs dans les palmarès francophones de C'est Fou. Dans le prochain bloc, on va entendre Ariel et Vincent Vallière, mais on commence avec un futur gros succès de C'est Fou, parce que c'était en 20e position dans le palmarès qui date de mi-décembre, le plus récent avant celui-là. Ils étaient en 20e en nouvelle entrée avec Ton pantalon est plein, et voici les trois accords qui montent de deux tout de suite. Au 89 FM, C'est Fou dans vos oreilles. Ton pantalon est plein de quelqu'un que j'aime bien. Quelqu'un, je...

Ariel et Méfie-toi, Méphisto en 16e position francophone, ça monte d'une place. Avant, c'était Vincent Vallière avec Le Monde tourne fort, ça monte de 2. On a débuté le bloc avec les 3 accords et Ton pantalon est plein. Ça monte de 2 places. En fait, ces deux dernières pièces que je viens de mentionner étaient de nouvelles entrées la semaine dernière. Donc, elles montent tranquillement, vraiment très tranquillement. Dans le prochain bloc, il va y avoir Naïve et Flat. Mais on commence avec nos amis au Pakistan. Voici le fleur de ma journée qui monte de 3 places. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou, édition franco sur les ondes du 89.1 FM. Et ça, c'est la radio campus de Trois-Rivières. Ça, ça dit d'une drôle de façon. Trois-Rivières. Come to me. Numéro 13. Formation naïve et la pièce Echo, ça monte d'une place, c'est en 13e position. Avant ça, c'était Flat avec Sexy Delic qui monte d'une place aussi. Et on a débuté le bloc avec nos amis au Pakistan et le fleur de, la jour- de ma journée. Le fleur de ma journée, oui, qui monte de 3 places. Voilà. Vous êtes dans l'édition francophone des Palmarès C'est fou. Je vous rappelle que l'édition anglophone est maintenant diffusée les mercredis entre 13h et 15h et que tout est combiné le vendredi soir entre 17h et 20h. Position anglophone en premier, puis francophone pour terminer ça en beauté. Hein? Dans le prochain bloc, on va entendre We Are Wolves et Marie-Pierre Arthur, entre autres. Mais commençons ça avec la 12e position. Ça monte d'une place et mal léché. Voici le garage au 89 FM. Allez voir le cifou.ca en passant pour nous écouter en direct sur Internet. Pourquoi non pas?

We'll be right back. C'est la pièce La Rue aux Lics de We Are Wolves qui se termine en ce moment. C'était le numéro 2 la semaine dernière. Maintenant, c'est la position numéro 10. Donc, un gros pas de franchi vers le bas pour We Are Wolves avec cette pièce-là, mais c'est sûrement pas sur sa fin et c'est sûrement pas la dernière pièce de toute façon de We Are Wolves de cet album-là, Invisible Violence. Avant, c'était Marie-Pierre Arthur avec Elle. Ça monte d'une place. On a débuté avec Les Mal Léchés et Le Garage. Ça monte d'une place en 12e position. Le palmarès francophone se poursuit dans le prochain bloc avec Mimi Van Der Glo et Asso, mais on débute avec Shampoing. Voici une pièce qui monte de deux positions, c'est Richesse de la Fleur. Tout de suite au 89 FM, c'est fou dans vos oreilles. Yeah.

Le nombre est DB Cooper, l'ancien numéro 1 de la dernière édition des palmarès francophones. Là, c'est en 5e position. Avant, c'était Chinatown et Tu es un hit. Ça, ça monte d'une place. Ça fait 6 semaines que c'est là. Oui, vous êtes dans l'édition francophone des palmarès, c'est fou, c'est tout à fait vrai. Et si vous avez raté quelque chose dans l'émission d'aujourd'hui ou si vous aimez tellement les palmarès que vous devez les entendre à maintes et maintes reprises, ben c'est analysé, c'est fou, les vendredis soirs entre 17h et 20h, c'est là que la rediffusion se passe. Sinon, on est en direct les mercredis et jeudis entre 13h et 15h. C'est l'anglo le mercredi et franco le jeudi. Voilà, donc on continue avec un autre bloc de deux pièces. Il y aura Hôtel Morphée tout à l'heure, mais pour l'instant, voici Fred Fortin qui monte de deux places avec Dollarama. Tout de suite, c'est fou au 89.fr. Tu devais me rapport qui que je vienne voir d'un rayon du Dollarama à place des cossins. Ses étagères, jamais su son vrai nom. Je me disais que toi tu devrais le savoir. Avec des boutons, des gros tétons, pis les dormoirs. On l'appelait petite charmue, c'était le nom que lui avait donné ses frères. Il était dans même école, je sais pas combien qu'elle peine avoir. Pas toutes les bols à ce qu'il faut croire. Elle est minutieuse et à son affaire. Elle prend soin de la vaisselle de verre fabriquée par ses amis les Chinois dans la grande famille de Dollarama. Avec tout ce qu'il faut pour rien. Ça sentait la grosse misère. Elle était dans son petit coin. C'était encore trop grand, faut croire. Avec des boutons, des gros tétons, pis les dents noires. A décidé de flasher l'école. A commencé à peine le secondaire. Paraît qu'elle était enceinte. Mais ça c'était digne des histoires. Tout quoi paraît mieux. C'est bête à dire, mais je suis content pour elle. Elle aurait pu finir dans une poubelle, tripotée par des salons et des rats, comme plusieurs de ses amis les Chinois. J'imagine que c'est très valorisant, veiller à satisfaire son client. Assis-tu comme ses amis les Chinois. Merci, bonsoir, ni hao, sayonara. J'espérais ici déjà. Ça doit être la petite charrue qui m'a troublé. Je me souvenais plus ce que je faisais là. J'ai viré le coin bien vite. J'ai ramassé une paire de bas. Avec plus de boutons, des gros tétons, puis un partiel. J'ai continué de marcher dans la. Ça vaut pas cher, mais ça fait bien pareil. Quand je lui dis tu reçois ton chèque de paye dans une enveloppe de papier chinois, signé de la main de Dollarama. J'imagine que c'est très valorisant, payé à satisfaire son client. Assis-tu comme ses amis les Chinois. Merci, bonsoir, Iran, Saint-Romain. Numéro 3. Défiler les acteurs, descend doucement la vitre. Prends un grand soupir. C'est pas ta fin du monde, prends ton temps et respire. Encore plus fort. Le

Patrick et les Breux, en position numéro 2 du palmarès francophone de C'est fou. La pièce s'appelle Chez Candy et ça monte de deux places. Ça vient de son album et de leur album au groupe Toutes les filles sont folles de moi. On a déjà presque terminé. On est rendu au numéro 1. Et vous savez, quand il y a un numéro 1 quelque part dans les palmarès C'est fou, ça veut dire qu'il faut que je fasse un petit jeu de mots pas préparé. Parce que, en tout cas, certainement pas aujourd'hui, pas préparé du tout. Donc, regardons ça. Regardons ça. Colin, je me croirais, tu sais, je suis comme dans une forêt. De jeux de mots dans ma vie, dans ma tête. Dans ma tête, il y a des jeux de mots qui se faufilent entre les arbres et tout ça. C'est rempli de bois et de branches, de bois vert. Une sorte de bois, tu sais. Et en première position. C'était le grand numéro 1 du palmarès francophone de cette semaine au palmarès C'est fou. Avant de parler du numéro 1, faisons un petit récapitulatif. En troisième place, c'est Hôtel Morphée avec Danse sur les toits. En deuxième, Patrick et les Brutes avec Chez Candy. Et on vient d'entendre Vanessa Parietta avec Bois vert. Ça monte de deux places. Et c'était ça le jeu de mots. Bois vert, du bois vert. Hein? Je suis allé chercher ça vraiment, vraiment loin, comme dans le bois, je dirais. C'est la fin du palmarès standard, mais il nous reste encore quelques minutes avant la fin de cette précieuse demi-heure. On a le temps de faire un petit bloc l'alphabet des palmarès, parce que vous savez, une fois de temps en temps, c'est bien de se rappeler des souvenirs et d'écouter de vieilles pièces, des palmarès des années précédentes, des mois dans le temps, c'est comme un rêve. Donc, dans l'alphabet des palmarès, aujourd'hui, on va faire au moins les lettres N et O. On va commencer par un succès assez récent de la formation New York Dolls. Voici « Cause I Says So ». Vous êtes au Palmarès C'est Fou au 89.1 FM. New York Dolls et Cause I Says So dans les Palmarès C'est Fou, édition francophone au 89 FM. Ça, c'était pas francophone, mais on s'entend que l'émission francophone. Est-ce que je vais devoir tout vous expliquer? C'est à moi que je devrais expliquer parce que je comprends rien de ça. Bref, c'est la fin pour les gens du vendredi qui nous quittent pour aller rejoindre les lutins de l'enfer dans quelques minutes. Nous, en direct le jeudi, on continue pour une autre demi-heure. On va plonger dans le top 30 des CD, entre autres. Donc, reste avec nous pour ça. Et pour ceux qui sont le vendredi, ben sachez qu'on est en direct les mercredis et les jeudis entre 13h et 15h, l'édition anglo est le mercredi et franco le jeudi. Le vendredi, tout ça est rassemblé entre 17h et 20h pour faire un seul package deal. On l'appelle moins cher comme ça. On en perd un petit peu au change, mais c'est pas grave. Voilà, donc à tout à l'heure ou restez avec nous. On va se quitter avec OK Kerrville River et Our Life is Not a Movie or Maybe. Bye bye. It's just a bad movie where there's no crying. Handing the keys to me in this red line. Where the lock that you locked in the suite says there's no prying. When The breath that you breathe in the street screams, there's no science. When you look how you look, then to me, then I cease lying and fall into silence. This is a life story, so there's no climax, no more new territory. So pull away your max. In the slot that you sliced through the seam, there was no shyness. In the plot that you passed through your teeth, there was no pity, no fate. It still begins on a kid in the big city, and no cut to a costly parade that's for him. It was your heart hurting, but not for too long, kid. In the socket you spin from with ease, there is no sticking. From the speakers your fake masterpiece comes serenely dribbling. And when the air on your chair feels the heat, that's the flames licking. Salut, bon retour à vous. C'est toujours les palmarès. C'est fou qui continue pour une dernière demi-heure jusqu'à Assemblage Requis à 15h. Donc, il nous reste un petit 27 minutes pour plonger, entre autres, dans le top 30 des CD. Et c'est par ça qu'on va commencer. Tiens, pourquoi pas? Il y a quelque chose que vous connaissez peut-être dans le palmarès top 30 des CD. Ça s'appelle We Are Wolves. Hein? Non, mais sans blague, on a fait jouer hier les nouvelles entrées du top 30 des CD. Et le reste, c'est pas mal toutes des choses qui sont soit déjà en top 20 ou qui en sont sorties récemment. Donc, tu sais, on brasse pas mal les mêmes affaires un petit peu tout le temps dans le top 30 des CD de ces temps-ci. Mais c'est pas grave parce que We Are Wolves, c'est très très bon. C'est dans le top 20 aussi, mais c'est aussi dans le top 30. Donc, on s'en joue une autre pièce juste parce que c'est bon. On va l'entendre Walking Commotion de l'album Invisible Violence. Et ça démarre tout de suite. Oh, pas mal, c'est fou. Oh, 89.1 FM. We'll be right back.

faisait sur stop ici dans ce cas-là, mais le nom du groupe Paceplay. Avec la pièce, il était deux fois au Palmarès, c'est fou, c'est presque la fin de l'émission. Hein. Assemblage requis va suivre dans une dizaine de minutes. On va se quitter avec un petit peu de musique comme ça parce que c'est le fun. Et pour représenter le top 10 loud dont on n'a pas parlé encore, on a parlé du top 30 des CD, on a parlé certainement du top électronique hier, mais on n'a pas du tout parlé du top 10 loud, donc faisons-le à l'instant même. Il y a deux nouvelles entrées. Une qui est en dixième, c'est Satan's Host avec Power, Purity, Perfection 999. Et en cinquième, il y a Six Feet Under avec Graveyard Classics. Si on passe au top 3, on va en entendre deux extraits d'ailleurs. En troisième, c'est Megadeth avec Endgame. C'est eux qui vont terminer l'émission tout à l'heure. En deuxième, c'est Stable Sacrifice avec The Ones I Condemned. Et le grand numéro 1, c'est là depuis 10 semaines dans le palmarès Loud. C'est l'album Blue Record de Baroness. Et d'ailleurs, c'est ce qui va jouer tout de suite. Voici leur pièce de Sweetest Curse. Ensuite, Megadeth. Et ensuite, Assemblage requis. Restez là.